La délégation de l'Union des femmes du Laos, conduite par la présidente de son comité central, Ilavan Keobunpan, membre du comité central du Parti populaire révolutionnaire laotien, a visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, l'Institut de la tumeur mammaire de la maternité de Pyongyang, l'hôpital pour enfants Ongnyu, le centre d'élevage de silures de Pyongyang, etc.